Chapitre 3e. Du moment où les morts emportent de l'or avec eux, les vivants en possèdent, avait conclu Escovedo. Ils mentent en disant le contraire. Nous saurons où ils le trouvent. Et comme nous avons perdu trop de temps déjà, comme la douceur ne peut rien sur ces obstinés, essayons de la violence. Prouvons-leur une bonne fois notre force par un coup de dasse décisif, et dont ils restent terrifiés à jamais, surprenant le village et fouillons les maisons. L'effet de terreur avait été complet. Il est vrai que les Espagnols le payaient assez cher, plusieurs de leurs soldats étant restés sur le terrain. Mais quoi? Les surveillants se consolaient aisément de ces pertes. « C'est autant de moins que nous serons, » pensait-il, « pour partager la cargaison. » Quant aux perquisitions faites dans les huttes, elles menaçaient de rester sans résultat, lorsque Manassé imagina de fouiller la toiture des cases. « Victoire ! » s'écria-t-il bientôt. Caché sous l'épaisseur de feuilles de palmier, il venait de découvrir un collier de graines colorées, de coquillages et de becs de toucan, où de distance en distance brillaient d'épaisses plaques d'or battues, grossièrement ciselées. « Toujours le juif, » dit en riant Escovedo. « Et toujours la femme, » ajouta l'inquisiteur. Le collier avait en effet une parure féminine. Cette fois, toutes les preuves étaient faites et sans démenti possible, il ne restait plus qu'à en tirer parti. Tous les Espagnols frémissaient d'impatience. L'idée qu'ils approchaient du but leur faisait oublier leur fatigue, leurs blessures même. « Interrogeons les prisonniers, » demandèrent-ils d'une seule voix. « Soit, » approuva le capitaine, « amenez-moi le cacique. »« Le cacique est mort, » répondit un robuste gaillard, autrefois alguazil, maintenant arquebusier. « C'est moi qui l'ai tué, je m'en vante, car ça n'a pas été sans peine. » L'ex-alguazil, soulevant son casque, montrait une balafre énorme qui lui sillonnait le front. « Alors amenez sa femme. La femme a dû s'enfuir. « Sang du Christ !» cria Escovedo. « Je vais recommander de garder les issues. Capitaine, tais-toi !» « Et souvenez-vous tous que je n'aime pas les besognes mal faites. Capitaine !» dit quelqu'un après un silence. Il y a là le vieux sorcier, égratigné à peine, et son fils, rudement blessé celui-là, mais qui lui aussi peut répondre. Escovedo avait quelque honte à s'adresser à celui dont il avait fait noyer la fille. Il n'était pas très sûr maintenant que le sorcier ne s'en douta pas. Mais il ne s'agissait plus de reculer. Galagari pouvait, mieux que tout autre, fournir les renseignements attendus. « Amenez-le !» ordonna le capitaine. Galagari parut. Il soutenait son fils, dont la joue traversée d'une balle et le bras déchiré d'un coup d'épée ruisselait de sang. Il regarda en face le meurtrier de Sioni. Escovedo, gêné, se tourna vers l'inquisiteur. « Vous ferez soigner ces hommes par Beaumoine, mon père. »« Certes, » répondit Don Toribio. « Ces existences sont précieuses à conserver. Faites approcher tous les autres captifs, » ajouta le capitaine. Les soldats obéirent. Les habitants du village échappés au massacre se rangèrent à côté du prêtre. Et c'était un spectacle saisissant que celui de ce tribunal installé au milieu des tas de cadavres. Tout autour, l'aurore éveillait les oiseaux au plumage étincelant. Des parfums venaient de la forêt, montaient du golfe. Dans cette baie pacifique où regorgeait la vie, le caïman avait passé. La mort siégeait à côté de ses juges. Escovedo tenait à la main l'idole d'or arrachée au cimetière éventré et le collier découvert par le juif. Il les montra au sorcier, et complétant les mots que lui avait appris Sioni par des gestes impérieux. « Voilà de l'or, » déclara-t-il, « vos femmes en portent, donc cette terre en produit, donc vous nous avez menti, tous, donc Sioni seul a dit vrai. Tu vois ce que vous avez gagné à mentir? Vous avez éprouvé cette nuit notre puissance, et vous comprenez bien que la lutte est impossible. Si tu veux que cet exemple soit le dernier, dis-nous où est le pays des mines que vous appelez Sibao, et que nous savons déjà être le pays de l'or, des épices et des pierres précieuses. » Galagari ne répondit pas. On eût dit qu'il n'avait pas compris, et pourtant la pantomime du capitaine était fort claire. Escovedo, s'impatientant, renouvela sa question, répétant sans cesse ce mot de Sibao qui allumait dans tous les yeux des lueurs de convoitise. Il secouait Galagari, le menaçait du poing. Galagari ne sortit pas de son silence. Le capitaine sentait la fumée de la colère lui obscurcir le cerveau. « Ah, tu parleras, tête de fer » gronda-t-il, et d'un geste furieux, il tirait son épée. Manassé intervint. Il émit tout bas une idée qui fit s'esclaffer de rire tous les Espagnols et dont l'inattendu apaisa un peu Escovedo. « Faisons-en l'expérience » approuva-t-il, « et sur le fils aussi. Un soldat revint bientôt, porteur d'un petit baril, et son arrivée fut saluée d'une longue hilarité. « Bien, mais s'ils ne veulent pas boire, objecta le juif, on les y forcera, répondit l'inquisiteur. « Couchez-les à terre, ajouta Escovedo. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Le père et le fils, dont les bras étaient liés, furent renversés d'un croc en jambe. Deux Espagnols les maintinrent sur le sol en leur plaçant du genou la poitrine. On leur desserra les dents avec un poignard et au-dessus de leur bouche ouverte, on inclina le baril. Avec des glouglous convulsifs, jaillit une liqueur ambrée, au parfum puissant, la redoutable eau de feu qui, de son vrai nom, devait s'appeler l'eau de mort. « Assez !» fit le capitaine. « Il ne pourrait plus rien dire !» On avait aidé les deux captifs à se relever. Ils restaient là, chancelants, l'œil hagard, persuadés que ce breuvage, qu'il leur brûlait les entrailles, était du poison et que ce trouble précédait la mort. Puis, l'effrayant malaise se calma. Une sorte de fièvre, plutôt douce, y succéda, précipitant les battements du sang dans les veines. Un transport s'empara d'abord du père et bientôt du fils. Alors il se passa une scène telle que les Espagnols, pourtant bien disposés à la gaieté, ne songèrent plus à rire. Chez ces êtres innocents et sobres, l'ivresse tourna tout de suite à la démence. Leurs traits s'étaient convulsés, les yeux lançaient des flammes. On sentait chez ces malheureux un redoutable surcroît d'énergie que leurs liens les empêchaient de dépenser et qui se répandaient en cris aigus, en vociférations ininterrompues. Sans paraître se soucier des hallebardes qui lui barraient le chemin, le vieux sorcier s'était avancé tout près du capitaine. Il le menaçait du regard, lui jetait des mots inconnus, qui étaient sûrement des injures. Sa bouche écumante avait d'effroyables rictus. Escovedo frémissait. Don Toribio, moins impressionnable, montra au sorcier l'idole d'or et lui répéta avec insistance « Cibao ? Cibao ?» Le vieillard s'interrompit. Il semblait écouter, cherchait à se souvenir. Les Espagnols se penchaient sur lui, avides, sentant que le secret attendu était au bord de ses lèvres. « Cibao ? » répétait-il. « Cibao ?» Le sorcier les regarda longuement, voulut parler, semblait-il. Mais il ne sortit de sa gorge qu'un rugissement rauque. Il tourna sur lui-même, haletant, le front inondé de sueur, et tomba lourdement. Quant à Tabuaca, sur qui le terrible breuvage avait été plus lent à agir, il fallut vite renoncer à l'espoir d'en tirer aucun renseignement. L'ivresse n'avait fait que mettre à jour sa préoccupation secrète. Il s'était dirigé en trébuchant vers le monceau de cadavres où gisait le cacique, et devant ce corps inerte, marqué du sceau de la mort, il avait commencé à ricaner tout bas, à murmurer une sorte de mélopée, comme celle que chantent les mères pour endormir leurs enfants. Par moments, il s'arrêtait, regardant la forêt, joyeux, eût-on dit, de lui voir cette ombre épaisse, asile sûr à ceux qui s'y sont réfugiés. Puis tout à coup, quand il s'aperçut que les blancs suivaient tous les jeux de sa physionomie, il se fit un front impassible, s'assit à terre, y demeura immobile longtemps. Il ne chantait plus. Sur ses joues sanglantes, de grosses larmes roulaient. « Nous savons, conclut Manassé, que ce remède ne le réussit pas. Il deviendrait fou plus vite que bavard. »« Il faudra recourir à des moyens plus expéditifs, » ajouta Don Toribio. « Mais d'abord, observa le capitaine, tous n'auront peut-être pas la tête aussi dure. Interrogeons les autres. » Cet interrogatoire n'eut que le résultat d'exaspérer les Espagnols. Pas un Indien ne lâcha un mot. Escovedo était ivre de rage. Ses lèvres blêmes tremblaient. C'est ainsi que Sioni l'avait vu, montrant le mauvais esprit caché sous son mâle sourire. Il allait et venait, faisant siffler son épée, passant sa fureur sur les cadavres dont il s'amusait à crever les yeux. « Ils parleront pourtant, » rugissait-il, « quand je devrais. » Il s'arrêta. Son regard venait de rencontrer celui de l'inquisiteur. « Allons donc, » fit Toribio, « voilà raisonnable. Je vous avais bien dit qu'il faudrait en venir là. » En même temps, l'inquisiteur faisait un signe aux moines qui le suivaient. Des clameurs déchirantes réveillèrent Galagari de sa torpeur. Il se dressa à moitié, et ce qu'il vit lui fit se demander s'il ne continuait pas un épouvantable rêve. Les Espagnols avaient allumé de grands feux disposés en ligne en face aux huttes. À chaque feu aboutissait un lit fait de grosses branches que soutenaient des fourches plantées en terre. Sur chacun de ces lits était attaché un Indien ou une Indienne dont la flamme brûlait lentement les pieds. Les hommes ainsi torturés grinçaient des dents. Les femmes poussaient des rugissements de douleur. Mais les Espagnols avaient beau leur offrir d'éteindre le feu ou les menacer de supplices pires, ni les uns ni les autres ne répondaient à leurs questions. Galagari, dégrisé par l'horreur, réveilla son fils, qui hurla de fureur à ce spectacle. « Ah, vous voilà debout !» cria Escovedo, dont la colère faisait une bête fauve. Et il accourut vers le vieillard. « Eh bien, regarde, et écoute-moi attentivement, et tâche de me comprendre du premier coup, car je ne suis pas d'humeur à me répéter. Si tu ne me dis pas immédiatement où sont les mines de Cibao, je fais périr dans des tourments atroces tous les hommes et toutes les femmes de ce village, et après eux, ton fils, et après ton fils, toi. » Le capitaine avait accompagné de gestes si expressifs cette menace jetée d'une voix tonnante qu'il n'y eut personne qui ne l'entendit. « Ton fils !» répétait Escovedo. « Ton fils !» Galagari baissait la tête. Les cris des patients avaient cessé. Tous avaient les yeux sur ce vieillard qu'entouraient les Espagnols et de la réponse duquel allait dépendre le sort de la tribu. Le vieillard regarda longuement Escovedo, puis il commença. « Puisque c'est à cet art de bourreau que vos guerriers emploient leur force et vos prêtres leur science. » Vivement, Tabuaca l'interrompit. « Père, cria-t-il, prends garde à ce que tu vas dire. Souviens-toi du serment que tu nous as fait jurer. Ne t'occupe ni de ces hommes, ni de ces femmes, ni de moi. Pas plus qu'ils ne parlent, je ne parlerai. Je ne suis pas une Sionie, et la mort ne fait pas baisser les yeux à un guerrier caraïbe. Toi-même, tu ne peux redouter de mourir, si près que tu es de ta faim. Tu t'offrais un holocauste pour expier la trahison de ta fille. L'heure est venue. Songe à la patrie où, tu l'as dit, ta réponse enracinerait les envahisseurs. Songe à la liberté que te devront nos descendants. Consent à tout plutôt qu'à réjouir ceux qui nous mutilent après nous avoir déshonorés. » Galagari ne répondit pas. « Sacrifie ton fils et toi-même, comme nous le sacrifions, » insista un des Indiens. « Mais garde ton serment, garde notre secret. » Une même fureur d'héroïsme s'était emparée de toutes les victimes. « Meurs plutôt » s'écriait-il. « Ainsi que nous allons mourir !» Galagari tenait les yeux attachés à la terre. Ceci parut d'un bon augure à Escovedo. « Il est dompté !» murmura l'inquisiteur. Et il fit signe aux Espagnols de s'emparer de Tabuaca et de le coucher sur un lit de torture. « Soit !» disait le fils du vieillard avec un sourire de mépris. Mais son père n'y consentit pas. « Non » déclara-t-il d'un accent singulier. « C'est inutile. Je suis résolu, prêt à faire ce que vous attendez de moi. Les mines de Cibao sont les flancs de cette haute montagne qui se dresse là-bas du côté de l'aurore. Et pour que vous n'en doutiez pas, je m'engage à vous y conduire. » À ces paroles, lentement prononcées au milieu d'un profond silence, succédèrent des hurlements, hurlements de joie chez les Espagnols, hurlements de colère chez les Indiens. « Malheureux !» s'était écrié Tabuaca, « malheureux qui viole le serment que tu nous as dicté, que la malédiction de ta race retombe sur toi !» Les guerriers l'accablaient d'injures, et de loin, les femmes faisaient effort pour lui cracher au visage. « Graine de traître » répétait-elle, « digne père de ta lâche fille, cœur de lièvre qui pâlit devant la mort, va, guide ceux qui ont dispersé les os de tes ancêtres et qui feront des esclaves des enfants de nos enfants, va, va, et que le sang de tes frères souille à jamais tes cheveux blancs, va !» De chacun des lits de torture, les injures pleuvaient sur le sorcier. Les patients s'arrêtaient de souffrir pour lui jeter leur anathème. Lui paraissait ne rien entendre, il souriait, satisfait. La joie de Escovedo et de ses hommes touchait au délire. Un moine, occupé à attiser le feu de son souffle, résuma l'opinion de tous. « Ouf !» soupira-t-il en essuyant son front baigné de sueur. « Nous ne l'avons pas volé. » De fait, il avait fallu à chacun de ces hommes un bien violent espoir de s'enrichir pour leur faire risquer cette traversée formidable. Suivre Colomb, cela voulait dire jouer sa vie sur un dé. C'était presque une impiété que ce voyage téméraire entrer dans l'inconnu. Les théologiens avaient commencé par en condamner l'idée. Ils démentaient toutes les traditions du Moyen-Âge. Les moindres de ces dangers étaient de se heurter un géant, farouche gardien de ces passages, de s'abîmer dans les gouffres entourés de brumes où aboutit l'océan, de se perdre et d'errer à jamais dans les régions glacées de l'éternelle nuit, d'être emporté par les tempêtes jusqu'à cette Ultima Thule, l'île désolée, extrême borne de l'univers. Délivré de cette pesante angoisse, brusquement jeté dans ce paradis terrestre, on comprend de quelle ardeur les Espagnols convoitaient le salaire de leur audace. Sans perdre une minute, et avec une présence d'esprit extraordinaire chez un homme aussi profondément agité par ce succès, Escovedo prit les dispositions nécessaires. Il avait immédiatement fait éteindre les feux. Il enjoignit à Don Toribio de mettre le plus tôt possible les blessés et les patients en état de marché, de hisser les moins valides sur les chevaux pris aux Indiens et qu'on alla chercher dans leur enclos. Il fit attacher aussi leurs chiens qui pouvaient rendre des services, ne fût-ce que pour apporter le gibier qu'on tirait. Enfin, on s'occupa du fort et de la Santa Maria, qu'on ne pouvait abandonner ainsi au hasard d'une surprise. Escovedo décida d'y laisser un poste de 10 hommes. Mais quand il s'agit de les choisir, personne ne voulut en être, pas même les blessés. Il préférait les fatigues de l'expédition. Le capitaine promit en vain qu'on leur réserverait leur part comme aux autres. Il fit remarquer que puisqu'ils gardaient le navire nécessaire au retour, cela devait les rassurer. Ces garanties ne suffisaient pas à vaincre leur répugnance. Tous tenaient à faire partie de la caravane. Escovedo trancha la difficulté en tirant au sort les noms de ceux qui formeraient la garnison. Les élus maugréèrent, mais ils prirent leur sort en patience quand Escovedo eut parlé de faire sauter la cervelle au premier qui se plaindrait. On le savait aussi capable de le faire que de le dire. Il favorisait de cette loterie à qui perd gagne durent se résigner. On se mit en route le lendemain matin. Le soir, après une marche assez pénible à travers une forêt vierge, tout encombrée de lianes, la troupe faisait halte dans une immense clairière empourprée des rayons du couchant. On suivait, depuis quelques heures, une rivière dans les flots de laquelle le juif avait montré à ses compagnons des paillettes d'or. Preuve évidente qu'on était sur le bon chemin. Galagari, qui servait de guide, avait rempli consciencieusement son rôle. Des Indiens qu'Escovedo emmenait chargés de chaînes et destinés à exploiter les mines sous sa surveillance, aucun n'était sorti d'un silence accablé. Quelques journées de marche séparaient à peine les conquistadors de la montagne merveilleuse, inépuisable, où allait se dresser le festin dont la rivière roulait les miettes. L'expédition commençait bien. Aucun indice inquiétant ne laissait prévoir d'obstacles graves. Aussi, Escovedo approuva-t-il l'intention manifestée par l'inquisiteur de chanter un tédéum d'action de grâce. Les moines prirent solennellement possession de la rivière, et une procession s'organisa sous les voûtes immenses des baobabs à l'ombre des palmiers frémissants. Le chant des oiseaux se mêlait à la voix des prêtres. Jamais cathédrale n'éleva de tels piliers vers le ciel, jamais vitraux ne tamisèrent de tels rayons, jamais encensoir ne balança de pareils parfums. « Nous te louons, ô Dieu, nous te confessons, Seigneur !» chantait Don Toribio, et ceux de ces bandits qui ne croyaient pas plus à Dieu qu'au diable bénissaient l'antique déesse Fortune qui leur faisait une si belle entrée de jeu. Tous discutaient la façon dont ils sèmeraient l'aurore à leur retour dans cette Espagne qu'ils avaient quittée si mal en point. L'ex-alguazil parlait d'épouser Isabelle la catholique, qu'il achèterait au roi Ferdinand. Un auteur râpé rêvait la construction d'un théâtre où l'on jouerait exclusivement ses œuvres. Un ancien marmiton n'ambitionnait que mangeaille. « Et toi, vieux singe ?» demanda quelqu'un au juif. « Quel emploi rêves-tu des ducats que nous allons rapporter ?»« Je ne les tiens pas encore !» fit Manassé en hochant la tête. « Ni vous non plus !» Manassé ne partageait pas l'allégresse universelle. Il n'en parlait pas, de peur d'être moqué, mais la lâcheté des Galagaris lui semblait louche. Volontiers, il eût remplacé au sort un de ceux qui y partaient de si mauvaise grâce. Il ne doutait pas, en effet, qu'on eût remis à ceux-ci leur part d'or. Mais vraiment, le plaisir n'est pas d'avoir de l'or, c'est de le trouver. Et voilà pourquoi il avait suivi la caravane, assez inquiet, au fond, partagé entre l'espoir et la peur.